Ulauderwy aperçut ce vieux lion, les cheveux épars comme une crinière, debout à la cheminée, les sourcils contractés, le dos appuyé au chambranle et les yeux distraits en apparence. « Me voici à l'ordre, mon prince, » dit Hulot gracieusement et d'un air dégagé. Le maréchal regarda fixement le directeur sans mot dire pendant tout le temps qu'il mit à venir du seuil de la porte à quelques pas de lui. Ce regard de plomb fut comme le regard de Dieu. Hulot ne le supporta pas. Il baissa les yeux d'un air confus. « Il sait tout, » pensa-t-il. « Votre conscience ne vous dit-elle rien ?» demanda le maréchal de sa voix sourde et grave. « Elle me dit, mon prince, que j'ai probablement tort de faire, sans vous en parler, des razzias en Algérie. À mon âge, et avec mes goûts, après 45 ans de service, je suis sans fortune. Vous connaissez les principes des 400 élus de la France. Ces messieurs envient toutes les positions. Ils ont rogné le traitement des ministres, c'est tout dire. Allez donc leur demander de l'argent pour un vieux serviteur. Qu'attendre de gens qui payent aussi mal qu'elle l'est la magistrature, qui donnent 30 sous par jour aux ouvriers du port de Toulon, quand il y a impossibilité matérielle d'y vivre à moins de 40 sous pour une famille, qui ne réfléchissent pas à l'atrocité des traitements employés à 600, à 1000 et à 1200 francs dans Paris, et qui pour eux veulent nos places, quand les appointements sont de 40 000 francs, enfin qui refusent à la couronne un bien de la couronne confisqué en 1830 à la couronne, et un acquéfé des deniers de Louis XVI encore, quand on le leur demandait pour un prince pauvre. Si vous n'aviez pas de fortune, on vous laisserait très bien, mon prince, comme mon frère, avec votre traitement tout sec, sans se souvenir que vous avez sauvé la grande armée avec moi, dans les plaines marécageuses de la Pologne.